Ça suffit au fond ces trois mots qu'on répète. Le temps passe. Cela suffit à tout. Il n'échappe rien au temps. Que quelques petits échos, de plus en plus sourds, de plus en plus rares. Quelle importance. Et puis voilà, tout doucement, ils deviendront tous fantômes, et tous, et Jubelblatt et Borochrome, et la grand-mère et Nathalie, tout à fait comme Elisabeth, l'autre impératrice, comme le Nicolas Nikolaïevitch qui avait tant de mal à choisir, comme Borodine, comme Jacob Schiff, qui était si riche et si puissant, comme toute l'intelligence service et l'Institut du cerveau, comme mes chaussures ou mon bon, tout ça partira fantôme. On les verra sur les landes et ce sera bien fait pour eux. Ils seront plus heureux, bien plus heureux, dans le vent, dans les plis de l'ombre. Je ne veux plus partir nulle part. Les navires sont pleins de fantômes. Vers l'Irlande ou vers la Russie, je me méfie des fantômes, ils sont partout. Je ne veux plus voyager, c'est trop dangereux. Je veux rester ici pour voir, tout voir. Je veux passer fantôme ici, dans mon trou, dans ma tanière. Assez emmerdé du temps que j'étais vivant, ça sera bien mon tour. Et puis ce balai, il était pareil, j'en étais assez content, toujours à propos de fantômes. Je le destinais à Leningrad, et puis voilà les circonstances, dommage. Tant pis, je vais vous lire le début de ce long divertissement. Une bagatelle d'où je vous ennuierai, une épopée bien plausible, une intention très pondérable. Non, un petit sursaut simplement, entre la mort et l'existence exactement. À notre mesure, voici qui danse exactement entre la mort et l'existence. Cela distrait, vous emporte, vous me suivez, un peu de lumière et d'accord. Le rêve nous emporte, mais la musique, ah, voici toute mon angoisse. Je retombe tout empêtré. Musique, elle de la danse, sort la musique de gros les rampes, musique édifice du rêve, je suis encore une fois free. Si vous entendiez causer par hasard dans vos relations d'un musicien assez fragile qui ne demande qu'à bien faire, je vous prie un petit signe, je lui ferai les conditions entre la mort et l'existence. Une situation légère, nous pourrons sûrement nous entendre. Je ne veux plus partir nulle part. Les navires sont pleins de fantômes. Vers l'Irlande ou vers la Russie, je me méfie des fantômes, ils sont partout. Je ne veux plus voyager, c'est trop dangereux. Je veux rester ici pour voir, tout voir. Je veux passer fantôme ici, dans mon trou, dans ma tanière, je leur ferai tout sourd. Ils crèveront de peur, ils m'ont assez emmerdé du temps que j'étais vivant. Ce sera bien mon tour. passera bien mon tour. Ha ha ha ha!